À l'occasion de la journée de la victoire dans la guerre, le Comité national d'études et d'études jetées du Congo démocratique a inséré dans son homepage internet le texte intégral de l'œuvre classique de Priston Gimelson, Canalisons toutes nos forces pour gagner la guerre.